Bienvenue sur Canal Sud, 92.2 FM ou canalsud.net. Il est déjà ou il le sera 21h, dans ou déjà depuis quelques secondes. Et c'est la fin de la programmation de Canal Sud, donc que vous pouvez retrouver tous les jours sur canalsud.net, tous les soirs également. Pour l'instant, en tout cas, jusqu'à à peu près 23h, si le cœur m'en dit de durer jusqu'à 23h, parce que donc c'est le début de l'émission Nuisance, Nuisance avec un S entre parenthèses à la fin, l'émission qui nuit au sens, l'émission de toutes les nuisances. Et nous allons donc commencer avec une prise de son naturaliste, de l'eau qui coule. Quand on parle d'eau, on peut parler de sang également, on peut parler de morve, on peut parler d'urine, ou de scatologie également, puisqu'on a parlé d'urine, on peut parler de scatologie également. Donc si on parle de scatologie, on peut parler de scrotum, ou de sphincter également, puisque c'est à peu près les zones sont proches, disons. À quelques centimètres près, le scrotum est dans le sphincter, et le sphincter est autour du scrotum, à quelques centimètres près, je veux dire. Nuisance, comme vous le comprenez, est une émission morphobiologique qui réinterprète le sens de l'incohérence. De façon donc assez déconcertante pour ma part. Car je vous retrouve donc tous les vendredis de 21h à 23h depuis quelques temps à présent. Et ça doit être environ là peut-être... peut-être environ oui, la 25e ou la 31e peut-être, ou également peut-être la 3e peut-être. Et donc dans ce cadre, donc je vais vous expliquer donc les motivations, les intentions derrière une émission qui nuit au sens. Ça va durer à peu près 2 heures, je vous préviens, ce sera pendant ces 2 heures qu'il y aura une interview de moi-même qui est exécutée par moi-même et pour vous-même. Ou pour moi-même, finalement, soyons individualistes. Donc, en parlant de parler, donc nous allons également ne pas parler pendant un certain temps également. Je suis sûr que vous apprécierez le geste de ma part. C'est non négligeable. Quelqu'un qui se tait n'est pas quelqu'un qui parle. Donc, comme vous pouvez le voir, je ne suis pas quelqu'un qui se tait souvent, quoique. Vous pouvez entendre des gouttes d'eau qui tombent dans un bac vers chez un pote à moi, Yo. Donc voilà, c'est le bac à Yo. Qui coule. Donc il y a de l'eau. Donc c'est de l'eau, c'est pas du sang qui coule, donc je vous rassure tout de suite. Ce n'est pas de l'urine non plus, donc excusez mon fratricide purulent, je suis confus. Je ne puis développer plus étant donné que je ne connais pas mon alphabet argentin. Donc derrière l'émission nuisance, derrière ce terme nuisance, donc nuire, le verbe est donc sans parler du S à la fin, ni du CE, disons ajoutons un T à la place du CE et du S. Donc nuisance est un participe présent donc, qui symbolise le temps qui passe au présent. Donc le temps passe et nuit à quoi ? Nuit au vivant, puisque l'on meurt à la fin de la vie. Voilà. Donc déjà une première interprétation peut-être, une première motivation de cette émission nuisance, accepter la mort. Qui tue. Voilà, donc je vous laisse apprécier les gouttes de sang, pardon, d'eau qui coulent dans un vase, non pardon, un bac en pierre. Nous aurons également l'occasion de ne pas avoir d'invité pour une fois, ou sauf si quelqu'un se pointe et veut participer absolument à cette émission débile. Mais si personne ne se pointe, c'est tant mieux. Ça me nuira fortement et à moi et à toute ma fratrie. Donc encore une fois, une motivation. que je vois donc pointer le bout de son nez. Donc, nous allons interpréter cette fratrie par soi. Toujours l'incohérence maîtresse donc de moi-même dans cette émission. La subjugation et la sublimation par la folie. Quelle folie, me direz-vous ? Eh bien, la plus déconcertante de toutes les folies, celle qui nuit, voilà. Parce que la folie ne nuit pas d'habitude, sauf dans certains cas. Justement, un cas majoritaire, je veux dire. Celui, pour les optimistes, où la folie ne nuirait pas, peut-être comprendront-ils que le mot folie est dirigé, donc bien choisi, donc pour vous laisser pantois. Donc pendez-vous bien ce soir, excusez-moi, amusez-vous bien, pardon, ce soir, en ma compagnie, j'espère. On parle de subjugation, on pense bien sûr tout à fait au délire anal, jésique je veux dire, ou à l'antalgique anabolique, c'est-à-dire antibiotique. Voilà. Donc ça aussi, anti, donc le mot est lâché, nuisance, une émission anti-quoi, anti-musique, voilà, c'est dit, l'autre mot est lâché, le mot que je ne supporte pas. Donc vous le saurez, je ne supporte pas ce mot dans ma liste de mots, dans mon vocabulaire atrophiant. Musique n'est pas dans ce vocabulaire atrophiant, donc musique est un terme créditeur. Je dirais même donc que puisque Nuisance est une émission au participe présent, c'est un terme créditant. ANT à la fin, donc c'est un participe présent, je vous le rappelle, donc pour vos conjugaisons. Si vous devez faire une revalorisation de vous-même par vos compétences, avec un bilan, etc., vous saurez que nuisant, donc avec un T à la fin ANT, donc à la fin sans Z, c'est un S, donc je vous dis pour ce qui est de l'orthographe. C'est un participe présent, voilà. Vous pouvez toujours entendre. Alors, où veux-je en venir ? Où veux-je en venir ? Déjà, pour savoir d'où l'on vient, il faut savoir où l'on va, n'est-ce pas ? Ou plutôt le contraire, disons inversement. Sais-je d'où je viens ? Certainement. À peu près non métaphoriquement parlant, c'est-à-dire très physiquement parlant, je viens, oui, donc. D'une naissance extra-utérine ou passagèrement utérine, quoi, on va dire. Parce qu'une naissance intra-utérine, ça fait un peu bizarre quand même. Donc on va dire une naissance utérine, ça doit suffire. Donc je ne suis pas encore un clone baby-éprouvette, entièrement, tout à fait. J'ai eu donc une mère porteuse, désolé pour elle. Elle a subi donc mes cris. Donc on parlait de nuisance, cris, voilà. Je vais peut-être pouvoir vous le dire, ceci est une émission donc bruitiste comme le bruit, et non pas les bruitages comme les bruiteurs, mais bien les bruitistes comme les futuristes, donc des années, je sais pas, 18. Après la toute petite guerre et avant l'énorme gigantesque guerre, ou peut-être le contraire, je ne me souviens plus de quel pays où je me trouve, quoi, où que je me trouve, je ne me souviens plus dans quel pays je suis. Voilà, donc parlons-en, les pays, donc voilà, le pays de la nuisance. Donc la nation nuisante. Les marginaux nuisibles. Tout ça donc comprend nuit. Donc c'est la racine donc, du verbe nuire. Ça permettra donc de comprendre pourquoi. Et pourquoi ? L'intention donc derrière tout ça. Vous allez comprendre la volonté ce soir. Donc je vais vous diriger lentement vers un état de méditation sandentale, comme le santal, ou les sandales. tout ça combiné en un mot, sans le transgenre, justement, le trans qui fait penser donc à transgenre, à transsexualité. Nous n'allons pas parler de sexualité, n'est-ce pas, mon cul? Perversion ce soir, nous n'allons pas parler de désir, nous n'allons pas parler de passion, pas pour la musique en tout cas. Je rappelle que ceci est un son naturaliste, enregistré dans la nature, donc c'est de l'eau qui coule et qui goûte dans un bac en pierre, plein d'eau, chez Yo. Donc tout cela pour vous amener vers un état donc sans mental, comme je disais tout à l'heure, ou trans, pour inopinément vous lubrifier le derrière, pour ne pas vous pénétrer de tout le sens que je trouve dans la nuisance. Parlons de la pollution par exemple. Atmosphérique, sonique. Parlons du hic dans Sonic. On parle pas du hérisson, bien sûr. Excusez ma transparence, je sais qu'en ces temps mécréants, l'on rejoint rarement les gens qui... tous les soirs à 19h, pardon 21h, enfin le vendredi soir en tout cas, se transparente. Et donc parlons de la nuisance du la couleur du nez. La couleur du nez. Vert de l'intérieur, donc conforme à la couleur du récipient. Oh mon Dieu, ça y est, nous allons arborer l'essence de l'étape primordiale, celle donc de la créativité. La sublimation, donc changement étape par étape. Je préfère le terme de muation, personnellement. Pardon, c'est une tradition en nuisance. Nous éructons, enfin j'éructe en tout cas, beaucoup. Également flatulence, vous aurez peut-être droit à 2-3 essais tout à l'heure. Après 22h peut-être. Alors restez avec nous. Je parlais donc... Alors fermez les yeux. Ou pas. Mettez les yeux mi-clos si vous le souhaitez. Vous. Concentrez-vous sur ma voix. Et ensuite, déconcentrez-vous de ma voix. Après avoir entendu la sonnette arriver, vous me permettrez un OK. Donc plus rien de ce que je dis, normal. La norme Hall suffira ce soir pour vous dédicacer un prêt. Après, en échange de quoi, peut-être, vous serez satisfait de n'avoir absolument rien fait. En n'oubliant pas que le bonheur, c'est ne rien faire. Le bonheur réside dans la pratique. N'oublions pas que le marquis de Sade et Bouddha Sakyamuni Gautama, Siddhartha, étaient d'accord sur une chose. Le bonheur réside dans la pratique, donc la pratique en l'occurrence, car le bonheur c'est ne rien faire, donc la pratique de ne rien faire. Ce qui diffère tout à fait de le travail c'est la santé, ou l'essentiel c'est la santé, donc l'essentiel c'est le travail. Vous voyez, c'est à peu près complètement différent. Ma voix, de temps en temps, et sinon n'écoutez pas ce que je dis, c'est-à-dire le sens n'a pas d'importance. Ce qui importe, c'est votre souffrance, magnanimité. Vous êtes face à vous-même, vous voyez déborder de temps en temps vous débordez donc. Cette odeur nauséabonde vous omnubile. C'est votre personnalité, donc votre soi. Donc ce qui diffère également du culte. Le culte du soi, donc non, vous ne trouverez pas trop ça dans cette émission. Vous trouverez plutôt la destruction d'une idée pantomime. D'idée, donc. Vous ne trouverez donc pas d'idée. Vous êtes enfin libéré des idées. Nous allons penser à la pensée. Ceci risque de prendre un peu plus de temps. C'est le risque en tout cas que je accepte de prendre avec vous. Le risque de ne plus penser. L'on se retrouve sans pensée, démuni, sans animalité. Car l'animal du logos, la pensée, donc, c'est l'homme, l'être humain, je veux dire, la femme, l'humanité tout entière. Ne peut s'empêcher de penser. Il faut trouver le moyen de chercher le moyen de se débarrasser de toute pensée. Je n'ai pas dit néfaste, je n'ai pas dit mauvaise. Les pensées sont toutes mauvaises. Elles obnubilent. La psychose, qui est un état obsessionnel de la pensée, c'est faux. La pensée est une obsession pour l'être humain. Vous allez donc entendre la nuisance de vos pensées. Pour une émission qui s'appelle Nuisance, c'est plutôt conforme à la vérité. Oui, une idée toute philosophique, j'avoue. Il vous reste à peu près 27 décibels pour réagir. À ne pas réagir. Apprendre à apprendre. Ce qui signifie désapprendre. Désagrégeance. De la pensée. Focalisez-vous sur la désagrégeance de la pensée. La pensée se détruit elle-même en pensant à elle-même. L'on ne peut penser à la pensée. La pensée ne pense pas. La pensée est pensée. Et pensée est eux, c'est-à-dire qu'elle est la pensée. Et nous avons trouvé le point culminant, l'acmé. L'acmé donc sans dentale. Vous pourrez maintenant apprécier, avec une plus grande pureté raciale, sale, l'halitude pathogène du mat. Pourquoi chercher le mat à tout prix? Pourquoi? Non, cherchons le pat. Le pat. Comme patricide. Comme patrioticionisme, comme parlons-en de la comparaison. Vous ne trouverez pas de comparaison dans cette émission à part la comparaison avec la comparaison. Donc sans comparaison, sans comparution même, je dirais immédiatement, vous serez immergé. Et dans la purulence donc de cette odeur nauséabonde, comme je disais tout à l'heure, celle de votre propre pensée. Les sens vous quittent, vous vous évanouissez dans un fatras d'immondices. Ce sont vos sens. Ce fatras d'immondices, c'est vos sens. Cette odeur nauséabonde, c'est votre pensée. Au sens et eux, pensée. Donc il n'y a pas de liaison entre pensée et eau. Ni sens. D'ailleurs, y a-t-il une liaison avec eau? A-U. Nous allons à présent tenter de ralentir cette pensée. Après avoir focalisé sur sa désagrégeance par elle-même, cette entropie, devrais-je dire, pour citer les grandes phrases de cette liturgie, nous allons ensuite attaquer le rassemblement autour de cette contemplation de cette humance. Humer, la pensée, gros sens. Cette fange, donc l'essence, ne sent foncièrement pas. La pensée au sens sent. Je ne connais pas les termes exacts sanskrit ni chrétien. Mais nous avons atteint un état. Vous pouvez actuellement visualiser le but peut-être. Néanmoins, vous n'y êtes pas forcé. Vous pouvez vous souvenir de votre origine. Non pas matérielle. Votre origine spatial, du mot espace. Vous êtes un espace spirituel, un espace corporel, un espace de langage, de parole, de mots. Je ne puis tout vous dire, mais l'appréhension a beaucoup à voir avec la préhension. Ne compte plus. L'espace, après vous avoir obsédé, est en train de disparaître et de réapparaître lentement, doucement, sans vous choquer, pour mieux vous surprendre, vous étonner. Vous entendez la destruction de votre propre esprit par le son, l'expérience que l'on peut appeler sonique. Vous nuira fondamentalement, foncièrement. C'est le mal. Voilà, vous y êtes. Nuisance, c'est le mal. Le mal, vous entendez ? Le contraire du bien. Parce que le bien et le mal et la neutralité, eh bien je vous dirai après 22h ce que j'en pense. Car il y a peut-être encore des petits qui m'écoutent, malencontreusement, dans le salon. Alors je ne dirai pas ce qu'est le mal, ni la neutralité, ni le bien, pas pour l'instant. Nous allons continuer notre inspiration. Pour mieux expirer. Nous parlons donc d'expiration ce soir. Nuisance est une émission centrée autour de l'expiration. Le plus important des modes de respiration. Pour moi, l'expiration. Donc, vous comprenez la métaphore avec la mort, la désagrégence, la destruction de toute pensée par l'expérience sonique. Nique. Et nous allons donc arriver à la tête de fil de toute conceptualisation par le son du silence. L'espace a beaucoup à voir là-dedans. Ça et l'anus. Le sphincter se dilate, certains l'observeront, pour mieux se contracter. L'énergie coule le long de vos jambes, le long de votre cou, le long de vos abdominaux, s'il y en a. Elle, cette eau, comme l'eau, donc, qu'on boit, cette eau coule le long de votre tête, jusqu'en bas. Elle suit votre colonne vertébrale. Et vous vous en foutez, comme de votre premier slip. Car c'est ça qui importe. Cette eau, vous vous en désintéressez, et c'est là la clé. La clé de toute nuisance. Avec cette clé, vous pourrez nuire à la terre entière. Pendant que la terre entière vous nuit, nous avons atteint une autre étape. Dans le désordre, nous avons atteint la fin. La fin de toute pensée. Ne pensez pas à la fin. Ça. Ne pensez pas. Pas de pensée. Pas de doute. Vous n'avez aucune volonté. Je n'ai aucune volonté. Je suis vide de tout doute. Je n'ai pas de pensée. Vous entendrez la pression acoustique, telle qu'elle est naturellement, à son origine. Cela également a beaucoup à voir avec l'espace. L'espace qui sidère Hall. Entre cet espace et ce son et la pression acoustique, une expérience sonique qui n'a ni queue ni tête, l'expérience nuisance sur canalsud.net ou Canal Sud 92.2 FM dans les alentours de Toulouse, France. Pour tous mes auditeurs étrangers, je parlerai la langue universelle, l'anglais, oui. Dans tout l'univers entier, l'on parle l'anglais. We speak English in the whole universe. God speaks English. The devil speaks English. Fuck speaks English. I don't give a speaks English. You do not speak English. You are French. You are stupidly sitting on a couch, fucking your wife, while you don't give a fuck about English or French. All you give a fuck about is fucking. Je traduis pour les Français. Bienvenue dans l'émission Nuisance, l'émission qui est bête. C'est l'émission qui est bête et méchante. Sans m'enchanter. Ce qui m'enchante, m'émerveille, c'est le résultat. L'origine n'a plus de sens. Le but a pris appui sur l'origine. Mieux se développer rend le milieu. Eh bien, le milieu, rendez-le à son origine et à son but. Vous n'êtes plus. Les êtres humains, vous êtes à présent soit des démons, soit des dieux. Cela n'a aucune forme d'importance. vous allez mourir, vous le savez, d'instinct. Mais vous ne savez pas quand, vous n'êtes pas devin. Par contre, vous êtes organique, vous êtes vie. Vous êtes biologie. Ni queue ni tête, rime avec désordre. Éructance avec nuisance. La porte claque au fond de votre tête. C'est le lieu qui vous occupe, l'esprit, le lieu de votre corps. Comme je disais tout à l'heure, le corps est espace. Votre esprit n'est pas espace. Mais l'esprit peut appréhender l'espace. L'esprit n'est pas spatialisable. Il n'a pas de situation spatiale, l'esprit. Vous n'êtes pas seulement esprit. Vous êtes plusieurs choses différentes et liées à la fois. Point. Vous entendrez les craquements de vos os le matin quand vous vous levez et que vous vous étirez. Ceci est une preuve formelle que vous existez, vous souffrez. La souffrance, unanime et inacceptée de cette sale race qu'est l'humanité, ne vous touche plus. Elle ne vous touche plus. Vous la voyez en face, derrière, sur les côtés, à l'intérieur, à l'extérieur, au-dessus, en dessous, nulle part et partout. Ne doutons pas, tuons le doute, éliminons toute forme de doute par la compréhension suffisante de cette expérience qu'est la vie. L'énergie a beaucoup à voir là-dedans. Nous parlions d'eau tout à l'heure, l'eau qui coule le long de votre tête, de votre colonne vertébrale, de vos pieds. Elle coule à l'intérieur de vous, dans toutes les parcelles de votre corps, esprit, parole. Vous voyez des nomenclatures, des mots, des concepts, des pensées, des perceptions imparfaites, si vous jugez. Vous êtes juge et arbitre. Vous avez la toute-puissance. Vous pouvez à présent choisir de détruire ce que vous souhaitez détruire. Ne détruisez pas l'utile. Détruisez l'inutile, l'encombrant. Le son est encombrant. La perception est encombrante. Les sens sont encombrants. N'oubliez pas, vous allez tous mourir. Ne prenez pas trop de risques. Toujours pas où vous pouvez venir en point de suspension. Vous percevez une lueur. Ceci n'est pas de l'espoir, Ceci est de l'inespoir. La lueur, c'est l'inespoir. Tout abandon, de toute forme, de tout espoir. Fini, l'espoir. L'inespoir prime. Vous êtes en paix. Prout. L'intention de l'émission Nuisance est de se venger du perçu, se venger de l'objet perçu. La vengeance toute humaine, toute fratricide, c'est nuisance. Vous êtes nuisant. Je suis nuisant. Nous sommes nuisance, même que ce que je dis, c'est vrai. Silence pour vous, ce soir, auditeurs et auditrices. Silencieuse. La mort arrivée. Elle est bientôt là. Laissez-vous vous faire emmener par la mort. La mort, c'est le salut. L'existence, c'est de la merde. Vous êtes là pour rien. Vous n'êtes rien. La merde, c'est tout. C'est ça l'existence, c'est tout. Eh bien, c'est la merde. La mort, c'est la vie. Vivez donc. Pas d'agression là-dedans. La vérité fait mal. Elle blesse. Blessez-vous vous-même. Prenez votre vérité et foutez-la, vous, au fond de votre tête. Et fermez la porte à clé. Vous souffrirez encore plus. Vous souffrirez exponentiellement parlant. Bien plus que ce que vous souffrez déjà. Vous voulez être quelqu'un dans cette vie? Souffrez. Vous voulez être quelqu'un dans cette existence? Vous voulez accéder, vous voulez être enfin quelque chose qui représente quelque chose, eh bien, souffrez. Si vous voulez vous libérer de cette existence, mourrez à vous-même. Et ne cherchez pas à vous justifier. Je n'ai pas besoin de vous. Vous êtes déjà mort. Je suis déjà mort. Je n'ai pas besoin de la vie pour mourir. Je suis libéré de toute fluctuation vivante. Je suis enfin platitude même, équilibre, stabilité, raison, intelligence pratique, adaptabilité. Vous êtes ordinaire. Soyez-en fiers. beaucoup de fierté là-dedans, de vanité. Vous êtes enfin ce que vous avez toujours voulu être. Dérive, marge, exclusion, refus, esprit rebelle, inacceptance de la stupidité humaine. Et vous en souffrez. Vous souffrez de ce que vous vouliez être. Vous souffrez de ce que vous êtes à présent. La conscience de la souffrance mène à la béatitude. Il n'y a pas de sainteté là-dedans. Il n'y a pas de santé là-dedans, à part des pieds. Vous êtes une merde humaine, et vous le savez à présent, vous ne serez jamais rien que de la merde humaine. Cette colère ne vous envahit plus. L'énergie investie dans cette émotion est naturelle. Comme cette émotion est naturelle. La compassion débile a disparu. Les contes de fées idiots sont détruits. Vous êtes enfin atteinte à la bonne et juste pensée. Accepté par la masse débile. Vous haïssez enfin comme vous cultivez l'amour autant que Bitcha de cul et derge poilu. Vous en foutez de ce que je vous dis, et vous avez raison, et vous le savez. Vous pensez qu'il aille se faire enculer, se péder. Et ce péder vous répond, allez-vous faire enculer. Ce petit péder vous répond, vous êtes saint d'esprit, allez vous faire bouffer la bite par une chèvre, aux dents pourries. Par la vie puante que l'humanité lui a offerte de merde qui pue. Ça y est, vous avez atteint ce qu'on appelle communément plus clair, ce qu'on l'appelle communément pas. L'on appelle communément, on ne l'appelle pas. Virgule, communément. Point. Vous avez atteint cet état que l'on n'appelle pas, dont l'on ne parle pas. Vous êtes en phase avec la nature, avec votre environnement. Vous savez comme il et elle irrespectivement fonctionne, et vous êtes une pute irrespectueuse, et vous le savez, et vous en avez rien à foutre que je sois un PD ou une pute ou respectueux ou pas. Et finalement, il n'y en a pas de faim, et vous le savez très bien. Et enfin, vous n'atteindrez jamais le nirvana, la béatitude, et vous en êtes fier et vaniteux, et vous continuez à aller au boulot tous les matins en pensant au fric. Vous avez atteint l'ordinaire. Raison, des raisons, quelle est la différence? Ceci est une question rhétorique, ceci est une question rhétorique. Respiration, inspiration, expiration, retenue de la respiration, quelle est la différence? Ceci est une question rhétorique, ceci est une question rhétorique. Priez vos peurs de rester, de demeurer en vous, pour ne pas vous faire tuer par cette sale race humaine, cette sale fratrie, cette sale patrie. Et vous n'ignorez pas ce que vous faites, vous en souffrez tous les jours que vous faites. Vous. Vous ne voyez toujours pas la réponse à aucune de vos questions. Et vous ne voyez pas la non-réponse à aucune de vos non-questions. Vous ne voyez pas. Vous êtes aveugle. Je n'ai pas dit borgne. J'ai dit aveugle. Vous n'avez plus de sens. Et vous n'avez pas entendu cette éructance. Vous n'entendez rien. Vous vous en foutez complètement. Et vous êtes triste et malheureux. Et vous débordez de jouissance. Vous jouissez de votre souffrance. Le plaisir de la vie, c'est jouir de souffrir. L'essentiel, c'est la santé. Le travail, c'est la santé. L'essentiel, c'est le travail. Eh bien, vous n'en faites plus à présent. Vous avez oublié tout travail sur vous-même. Vous êtes enfin emprisonné en vous-même et vous pouvez faire tout ce que vous avez à faire. Vos papiers administratifs, votre petite collection de timbres, votre masturbation cachée et toute prise de produits illicites ou licites. Autant que vous voulez, le matin, le midi, et le soir, et l'après-soir, et l'après-midi, et le matin, et le rematin, et le après-matin, et le avant-matin, et pendant toute la vie, vous pouvez prendre vos drogues, licites ou illicites, et vous les foutre dans le cul. Je vous conseille pour ce faire un mode d'absorption en suppositoire, ou devrais-je dire un mode rectal d'absorption de vos drogues licites ou illicites. Les rites n'ont rien à faire dans votre vie. La ritualisation du rite est une merde. Vous perdez en habitudes. Vous perdez en répétition. Vous n'êtes plus rien. Vous n'êtes que répétition de rites qui ne sont pas de vous. Vous n'avez jamais rien été. Et vous ne serez jamais rien. Par contre, si vous avez bien suivi le raisonnement, atrophiant, vous êtes quelqu'un, vous avez une identité propre, vous n'avez pas besoin de leur identité qu'ils vous donnent, de leur statut, en bronze qui pue. Vous n'avez pas besoin de vous chier dessus à chaque fois que vous en voyez dans la rue. Et vous n'avez certainement pas besoin de vivre éternellement. La mort finit la vie. La vie est donc le début de la mort. Vous sentez vos odeurs corporelles tous les matins en vous levant et vous ne vous lavez plus. Vous avez dépassé cela. Vous êtes l'entendement même que ce que je dis, c'est vrai. Pour vous, rien ne compte. Vous n'avez plus besoin de vous toucher tous les soirs. L'on vous définit, vous acceptez, et savez que vous n'êtes pas ce qu'ils définissent de vous. Ils croient en eux-mêmes. Ils sont vains et vaniteux. Ils sentent mauvais des pieds, tout comme vous, quand vous ne vous lavez pas, et eux aussi. Sauf que eux, ils se lavent parce qu'ils sont de la merde et qu'ils puent tellement qu'ils ont besoin de se laver pour cacher cette odeur de merde. Vous cultivez l'amour de la merde, car vous savez que vos frères et sœurs sont de la merde et que vous êtes de la merde aussi. Vous cultivez cet amour de vous-même tout en pensant vous pendre par les pieds comme Mussolini s'est fait pendre par les pieds. Les chanceux ont droit à une surdose de morphine ou une balle dans la tête. Les vaniteux, quant à eux, sont riches et heureux sur les pauvres qui se font chier dessus. La joie est omniprésente, tout comme la tristesse ou la colère ou la confusion est naturelle. Pas accepté votre organisme. Vous n'arrivez pas à vous moquer de vous-même. Vous pensez. Vous avez désatteint votre but. Recommencer à penser. Vous avez changé entre temps. Vous vous êtes laissé changer. Ceci est un non-soi, un non-moi, un non-toi, un non-nous, un non-vous, un non-eux, un non. Prétextant une mort décente, vous refusez l'indigence. Prétextant des droits, vous n'avez rien. Prétextant un intérêt quelconque pour quoi que ce soit, vous faites de l'occupationnel. Vous faites semblant de vivre. Vous êtes malheureux, mais vous mentez à vous-même. Prétendez être heureux alors que vous savez pertinemment bien que vous ne le serez jamais. Vous entendez ? C'est la merde. La merde vous obnubile. Elle est partout, la merde. Elle vous entend respirer la merde. Elle vous voit. Elle vous regarde droit dans l'âme. Et bientôt, vous allez disparaître de vous-même. Vous allez vous sacrifier pour la cause. Celle de l'humaine humanité. Ce qu'on vous a appris quand vous étiez petit était vrai. Il existe une forme supérieure d'humanité, les riches, et une forme inférieure d'humanité, les pauvres. Comprenez-vous à présent où l'on veut en venir dans cette émission? Je ne suis pas de ceux ou de celles qui se... Trois minutes sur l'horloge de Canal Sud pour atteindre l'heure de 22h, le je ne sais quel vendredi de juin 2011. Bientôt la fin du monde en 2012 peut-être. L'espoir fait mourir ou vivre, au choix. Quel espoir? Oui, un choix je veux dire. Summum, c'est-à-dire le point le plus bas. Le point le plus bassement réel. Il vous reste 2 minutes. Moins 15 secondes. Vous estimez ne pas pouvoir atteindre ce point d'indigence spirituelle ou matérielle ou verbal. Vous êtes bientôt sur le point de mourir. Ne restez pas avec nous. Partez. Partez. Ne restez pas ici. Les morts d'avance. Partez. Partez. Partez. Partez. Partez! Vous n'arrivez plus à soutenir la pression. La tension vous fait monter d'un cran de nervosité. Vos os sont friables. Votre tête aussi. Votre esprit, cœur est atrophié. Vous êtes bientôt en train d'expirer. Ça y est. Vous êtes mort. Appréciez la vie. Rappréciez la vie, qui disait. Ceci n'est pas une émission légère. Ceci est l'émission Nuisance sur Canal Sud 92.2 FM ou canalsud.net. La voie est libre. La voie libre ou mourir. Eh bien, à Nuisance, dans Nuisance, nous avons choisi de détruire la musique. L'intention est de détruire tout jugement de valeur sur le son. Le son n'est pas un bruit, la musique est un bruit. Pas de... de jugement, de valeur sur le son. Entendez-vous ? Faites l'expérience de l'expérience elle-même en la faisant l'expérience. En la vivant, l'expérience. N'associez plus rien à rien. Oubliez de vous-même, vous êtes libéré. Vous pouvez tuer, ramper, prout. Oui, ceci était un spécial dédicace à tous mes potes dans l'armée. Tuer, zamper, prout. Vous pouvez accoucher, zamper. Ceci est une dédicace à tous mes potes, toutes mes potes qui sont mères. Accoucher, zamper, prout. Pour toutes et tous mes potes qui respire, respirez en paix, prout. Et pour tous les autres, allez vous faire foutre, prout. Tous les morts sont morts, tous les vivants sont vivants. Nous allons pouvoir atteindre le vif du sujet. Une interview de Al, producteur de cette émission, par Al, producteur de cette émission. Bonsoir Al, bonsoir. Comment vas-tu Al ? Je vais bien Al. Qu'as-tu fait aujourd'hui ? J'ai fait une sieste. Que vas-tu faire demain ? Je n'en sais rien. Que penses-tu ? Je ne pense pas. Que fais-tu ? Le moins possible. Que dis-tu ? De la merde. Que voudrais-tu ? Je ne voudrais pas. Je veux. Je ne veux pas au conditionnel. Je ne voudrais donc pas. Je veux. Que veux-tu ? Un désir. Te trouves-tu indésirable ? Non, indésirant. As-tu quelque valeur ? Non, je suis atrophie mentale. Atrophie mentale rime avec Al. Est-ce une coïncidence ? Oui. Est-ce dénaturer la nature même de la nature que de te poser des questions ? Va te faire enculer. As-tu été agressif avec moi à l'instant ? Non. Pourquoi m'as-tu dit d'aller me faire enculer ? Parce que j'en ai rien à foutre de ton cul. Veux-tu dire que si tu en avais quelque chose à foutre de mon cul, tu m'aurais enculé toi-même ? Oui, si je le pouvais. Mais je ne le peux, Al. Je ne peux t'enculer. Moi, Al. Je comprends. Continuons. Oui. As-tu vu quelque chose, quelque part, il y a quelque temps ? Oui. Qu'as-tu vu ? Je ne souhaite pas en parler. Tu vas devoir en parler. Ceci est une interview de Al par Al. Tu vas devoir en parler. Je ne souhaite pas en parler. Tu peux ne pas en souhaiter en parler, mais tu en parleras en quand même. En. Oui, j'en ai déjà parlé. Mais qu'as-tu donc à en dire ? Va te faire enculer. Encule-moi donc toi-même. Je ne puis. Ceci ne mène nulle part, Al. As-tu une autre idée ? Non. Vas-tu mourir ? Oui. Quand ? Je ne sais. Je ne sais pas quand je vais mourir. Pourquoi le sais-tu, toi, Al ? Non. Alors, qu'as-tu à dire pour ta défense, Al ? Je n'ai rien à dire. C'est moi qui interview. Ta gueule. Mais... Ta gueule. Mais... Ta gueule. Mais... Ta gueule. Mais... Vas-tu fermer ta gueule ? Non, je suis Al, je refuse de fermer ma gueule. J'ouvre toujours ma gueule quand il ne faut pas, c'est-à-dire tout le temps, quand je ne respire pas. As-tu autre chose à dire ? Non, je respire. Veux-tu me dire d'aller me faire enculer ? Non, je suis ton bon côté. Je voudrais te faire des bisous et être gentil avec toi, Al. Et malheureusement, tu le refuses. Et alors, qu'est-ce que ça peut te foutre ? J'en ai rien à foutre. Alors, qu'est-ce que ça peut te foutre ? J'en ai rien à foutre. Alors, qu'est-ce que ça peut te foutre ? J'en ai rien à foutre. Alors, qu'est-ce que ça peut te foutre ? Cela ne nous mène nulle part. Recommençons. Bonsoir, Al. Bonsoir. Comment t'appelles-tu ? Je m'appelle Al. Et toi ? Moi, je m'appelle Al. Et toi ? Moi, je m'appelle Al. Et toi ? Moi, je m'appelle Al. Et toi ? Toi-même. Je ne suis pas toi-même. Je suis moi. Mais peux-tu te poser des questions à toi ? En étant conscient ? Non. Non. Non. Ça y est, c'est rétabli. La communication intra est rétablie. Nous allons pouvoir continuer cette expérience. Ceci est donc l'émission Nuisance sur Canal 92.2 FM ou Canal 6.net. Je vous rappelle que je suis un fou, un aliéné. Un malade mental, un sous-humain, une merde, un marginal, une derme, un puant, une sale merde, deux merdes, qui pue du cul, comme tous les autres. Et c'est ce qui me sauve, la conscience. Donc parlons-en de la conscience. Oui, Al ? Oui, Al. Oui, Al ? Oui, Al. C'est bon, parlons de la conscience. La conscience de quoi ? La conscience, juste la conscience. La conscience, juste la conscience de quoi ? La conscience, juste la conscience de... Juste la conscience de la conscience de juste... La conscience de... Non, pas de deux. Un, alors. La conscience une, c'est ça ? Oui, c'est ça. Parlons de la conscience une. Entièreté. Qui rime avec intégrité, mais qui n'est pas la même chose. Intégrité, c'est pour les cons. Entièreté. Unité. Singularité. Et non pas individualité, comme certains le diraient. Oui, après tout, aider et tuer n'est pas si différent. Après tout, je veux dire, c'est vrai, t'as raison. Alors qu'est-ce qui nuit là-dedans ? Tu te fais du mal ? Oui, c'est vrai, je me fais du mal. C'est ce qui nuit ? C'est ce qui nuit. Donc c'est bon, ça rentre dans le cadre de l'émission Nuisance. Oui, en fait, tout rentre dans le cadre de l'émission Nuisance, puisque regarde, Britney Spears par exemple, cette pute, conne, de merde, excusez-moi, pour tous les professionnels, ou tous les professionnels. Cette professionnelle, donc, du chant lyrique à demi atrophié, est-ce qu'elle nuit ? Oui, elle nuit. À qui ? À moi. Aux autres ? Non. Parce qu'ils aiment Britney Spears. Ils aiment Michael Jackson. Ils aiment Claude François. Ils aiment Nicolas. Saint-Nicolas. Saint-Nicolas. Ils aiment l'Église. Ils aiment Jésus. Ils aiment. Et alors, qu'est-ce que ça peut te foutre ? J'en ai rien à foutre fondamentalement. Mais le problème, c'est qu'ils me haïssent, ils me haïssent, ils me haïssent, ils me haïssent, ils me haïssent. Alors, est-ce que ça t'hérisse ? Oui, ça m'hérisse. Ça m'hérisse pour deux ou trois ou plusieurs raisons, au moins une. La première, c'est que c'est pas juste. On ne dit pas aimer pour haïr. Voilà, premièrement. Ensuite, peut-être est-ce un lien. Je me rends compte à présent que la liaison entre aimer et haïr, c'est peut-être ce qui est important. La corde, le lien, l'attache. Alors attache-toi à la tête, à quelque chose. À quoi ? À toi peut-être ? Non, pas à toi. Te rattache pas. Non. Attache-toi, toi-même. Bon. C'est ce que je suis en train de faire. Je suis en train de me lier. Ceci est un rite pour vous, l'éructance. On entend si peu de sons organiques dans cette vie. À part dans la vie réelle, bien sûr, je veux dire, celle qu'on ne montre pas à la télé, dans cette télé-réalité. Oui, donc, les sons organiques, parle-nous des sons organiques, Al. Oui, Al, les sons organiques sont la source, sont les premiers sons. Les sons premiers sont les sons de l'intérieur du corps. Le son est une perception. La perception est soumise à l'appareil de mesure qu'est l'appareil perceptif, l'ouïe, l'audition, qui est un terme un peu plus spirituel, l'ouïe, donc, est le terme juste. Les premiers sons sont les sons de l'intérieur, de l'intérieur, de l'intérieur du corps, de l'intérieur de la mère. Car nous ne sommes pas encore faits entièrement en clones qui n'ont absolument aucune vie ou aucune existence ou aucune quoi que ce soit d'ailleurs, et je ne veux pas savoir d'ailleurs. À mort quoi, Al? À mort l'humanité. Pourquoi es-tu inhumain? Je ne suis pas inhumain, je suis inhumaniste. L'humanisme, c'est pour ne pas se faire tuer par les bâtards. Que sont les bâtards? De la merde. Qu'es-tu? De la merde. Es-tu égal au bâtard? Oui. Est-ce que le bâtard est égal à toi? Non. Le bâtard est supérieur en bien des choses à moi. D'abord, en qualité, aptitude, pouvoir. Lesquels? Dominant, prédominant. Vous êtes de ceux qui pensent. C'est les bâtards? Tu parles aux bâtards? Oui. Vous êtes de ceux qui pensent. Et ils pensent à quoi, les bâtards? Ils pensent à eux. Ils pensent à rien d'autre? Ils pensent trop. Ils pensent pas, en fait. En fait, la pensée, ça se vit. Ça se pense pas. C'est comme la vie, ça se vit. Ça se vit pas. Peux-tu préciser? Je vais essayer. Nuisance est une émission de bruit. Le bruit est perçu par l'appareil de mesure qui est l'appareil perceptif. L'appareil perceptif perçoit les stimulus. Tout stimulus est gênant. Les stimuli sont pénibles à supporter, pénibles à apprendre à interpréter, pénibles à vivre. Tout stimulus est souffrance, pénibilité, atrophie mentale, déséquilibre. Oui, et à qui parles-tu, Al? Je ne sais pas. Tu es honnête? Oui. Tu es honnête envers quoi ou qui? Je ne suis pas honnête en vers, ni en prose. Je suis tenté de dire que je ne suis pas honnête, mais je le suis en le disant. Ce dont je suis tenté de dire. Penses-tu avoir des choses à dire? Je pense avoir trop de choses à dire. J'aimerais avoir suffisamment de choses à dire pour ne pas être idiot, déblatérant, des âneries, stupide, à longueur de vie et à longueur de temps. Penses-tu avoir le choix de ton être? Non. Penses-tu avoir le choix sur ta volonté? Non, la volonté est un non-soi. C'est-à-dire? Je n'ai pas choisi de vouloir. Tu ne peux donc pas contrôler ta volonté. Je n'ai pas de volonté. Tu n'as donc pas de volonté? Si. En te répondant. Et seulement ainsi. Et ta réflexion là-dedans. L'impatience est agrégeance. La patience est désagrégence. De quoi ? De la matière. L'esprit est lié à la matière par la volonté. L'esprit a voulu être matière. Selon qui ? Selon tous. Selon tous qui ? Selon tous, pas les cons, pas les enculés, pas les bâtards, pas les humains. Tu veux dire par les dieux ? Non, les dieux c'est des enculés, des bâtards, des humains. Par qui alors ? Par quoi ? Par moi. Ce n'est donc pas un en-soi ? Si. Le fait que j'ai ceci à dire est un en-soi. Ce que je dis est un soi. Car je le vis. Mais je ne le vis plus, car je l'ai dit. Est-ce tout ce que tu as à dire ? Je vais te poser une autre question, Al. Non, à moi de te poser une autre question. Qui es-tu ? Al. Je ne suis pas toi. À qui parles-je ? À moi. Tu es donc mon moi, et moi je suis le toi, du moi, en moi. Il nous semble. Pourquoi es-tu seul ? Car je suis déjà mort. Combien de fois ? Ça n'a pas d'importance. Comment es-tu déjà mort ? Par la vie. Ce qui signifie ? Mon impatience me fait dire que je ne sais pas. Mais je m'en contrefiche en fait. Je vous nuis en vous montrant les méandres de mon esprit. Ceci a donc tout à voir avec l'émission Nuisance. Nuisance, c'est une émission bruitiste. La pensée est bruit pour le producteur de cette émission. Toute perception, tout stimulus, tous les stimuli sont bruit, sont pénibilité. Arrêtez de juger, arrêtez de juger. Tout est bruit. La musique, c'est de la merde. Le bruit, c'est tout. Continuons. Pourquoi faire ? Pour qu'il voit ? Je ne les vois pas. Tu mens. Je ne veux pas les voir. Tu n'es même pas un peu curieux ? Je ne l'étais pas. Je ne le fus pas. Ceci étant dit, toi et moi pouvons peut-être nous rejoindre pour collaborer. Pour collaborer à quoi ? À cette émission, par exemple. Je vous explique la raison de cette émission très verbale, très directive, très manipulative et très révélatrice. Suffisamment, en tout cas. Toutes ces choses. Je vais vous expliquer le motif, l'intention. Toutes ces choses qu'on appelle la volonté, sans adjectivisation, sans association d'idées, de merde, mon hostilité déborde. Je vais vous expliquer tout ce qu'il y a derrière. Derrière tout ce qu'il y a. Derrière l'humanité et la vie, la mort n'a aucune importance. Alors, le motif ? Nous attendons. le mobile de cette émission et de vous nuire. De vous nuire en montrant qu'il y a plus fou que vous. Ce n'est pas un quantitatif, j'espère. Si. Mais alors tu te trompes ? Oui. Mais qui es-tu ? On est combien là-dedans ? Je ne sais plus. Peut-être 3. J'espère moins. Et si c'était plus ? Va te faire enculer. Thank you. Vous êtes sur Canal Sud 92.2 FM ou canalsud.net. Ceci est l'émission Nuisance avec un S entre parenthèses à la fin. Nous avons parlé entre autres de vitalité et d'énergie. Nous avons également parlé de merde. Et de putain malencontreusement. Veuillez m'en excuser. Toutes et tous les putains. Je suis vraiment trop bête. À présent, nous allons passer à un autre sujet. Celui donc de la musique bruitiste. Bruitiste donc étant une musique faite de bruit ou étant bruit. Ceci a beaucoup à voir avec l'art divinatoire. Dans Nuisance, nous éructons, et oui, nous éructons, oui, nous éructons, oui, nous éructons. Également. Thank you. Je vais donc vous interpréter Jeux interdits en la bémol mineur. Un morceau composé par un être humain que j'aficionadise. Je me souviens plus de la fin. On n'a qu'à dire que c'est ça la fin. J'espère que vous avez envie d'uriner à présent. Oui, j'espère. Thank you. Bon, et bien ce soir, nous avons traversé divers états. Voilà. Et nous sommes toujours sur Canal Sud 92.2 FM ou canalsud.net. You are welcome if you understand what I'm saying. Allons tous nous faire foutre. C'était donc l'émission Nuisance qui finit à peu près 19 minutes avant la fin du monde entier, tel que le connaît l'émission Nuisance. Voilà. Je vous laisse avec une programmation diverse et variée sur ces ondes. Ciao.